te dire ce que mon cœur me dit. Alors, toute ma vie à mes yeux apparaît. Je maudis et je prie et je pleure en secret. Car sans toi, mon seul guide, sans ton regard de feu, mon passé paraît vide comme le ciel.